Ils ne sont pas canadiens. Ils sont français. Je suis un ami des Delon. Ah, voilà l'avion. Voilà les Delon. Un policier regarde les passeports. Des douaniers regardent les bagages. Un douanier examine les bagages de Monsieur Delon. Madame Delon admire l'uniforme du douanier. Il ne regarde pas le sac de Madame Delon. Il regarde Valérie. Valérie regarde le douanier. Le douanier admire Valérie. Il n'examine pas le sac de Valérie. Voilà les cars de l'aéroport. Monsieur Delon monte dans le car. Madame Delon et les enfants montent dans le car. Moi aussi. En route pour Paris.